Chapitre 14e. Fritz rêvait chaque jour davantage l'enfantement moral de Pulcherie à une vie plus étendue. Comme le Jéhovah de la Bible, il agitait les éléments informes de sa création pour en dégager l'idéal qu'il avait dans l'âme. Pulcherie, de son côté, semblait de plus en plus en mal d'intelligence. On s'attendait généralement au château à quelques manifestations décisives. Un soir, que Mademoiselle de B était au salon, assise sur un divan, Georges lui prit la main et lui dit « Dormez ». Elle s'endormit aussitôt, car Georges, par l'exercice, avait conquis sur elle un empire sans bornes. Elle resta plongée quelques instants en silence dans un sommeil lourd. Mais Fritz, fatigué de cet état muet qui durait depuis bientôt un mois, résolut d'y mettre fin brusquement. Il lui présenta, dans cette intention, devant l'estomac, le bout d'une baguette en fer. Ces baguettes, dont les magiciens faisaient usage dans leurs évocations, et auxquelles les âges superstitieux rapportent tant de merveilles, ont pour effet principal de forcer la parole sur les lèvres rebelles du somnambule. Le salon vaste et sombre n'était éclairé que par une grosse lampe à globe de cristal, qui jetait sur cette scène de magie sa transparente lumière. Monsieur de Bay et sa femme gardaient le silence. Dès que la pointe de la baguette eut rencontré le sein de Pulcherie, la jeune fille se leva avec un mouvement souple et doux, fit quelques pas vers la cheminée, se plaça en contemplation devant la glace, ajusta dans ses cheveux une fleur des champs et s'écria à demi-voix, en s'admirant elle-même, « Belle !» Ceci était le premier cri et la première révélation de la femme, « Je suis belle !» Un nuage tombait des yeux de Pulcherie. Auparavant, cette créature muette et insensible ressemblait au monde que nous habitons avant la venue du premier homme. Elle était belle comme la nature vierge et primitive, mais sans le savoir, au hasard et en pure perte. La pensée manquait à la forme, le spectateur au spectacle. L'intelligence et le sentiment d'elle-même entrant dans cette femme, c'était l'âme humaine apparaissant sur la terre brute et ignorante de sa propre beauté. Ses grands yeux jusque-là distraits et vagues, cette jolie bouche condamnée au silence, ses blanches mains nonchalantes et désœuvrées, toutes ces merveilles jusque-là incohérentes, éparses et flottantes pour ainsi dire çà et là, arrivaient à se renouer et à se comprendre dans la tête de Pulcherie, comme tout l'hiver se comprit et s'admira dans le premier homme. « Je suis belle !» Voilà le cri de triomphe de cette femme échappée aux ombres du néant, qui se complaît avec étonnement en elle-même. Cette Ève, sortie du flanc de l'homme, qui promène autour d'elle ses regards éblouis, puis qui, touchant ses longs cheveux dénoués, qui, remarquant ses bras inconnus, ses mains royalement blanches, ses magnifiques épaules d'albâtre, sourit à se voir ainsi faite. Ce sourire éclos sur le visage ravissant de Pulcherie fut un rayon de lumière sublime qui éclaira tout le salon. Georges Fritz, craignant qu'une plus longue vision ne fatiguât les facultés naissantes de Pulcherie, la laissa étonnée et calme dans les bras de son père, qui assistait en quelque sorte pour la seconde fois à la naissance de son enfant.